Meurs ! Alors ? Qu'est-ce qu'il a le public ce soir ? Alors, qu'est-ce qu'il a le public ce soir ? Hein ? Non, je pose la question, parce que je voudrais savoir. Je vous vois gros comme une maison ce soir, hein? Hein? On attend que ça se passe, c'est ça que je pose la question. Eh bien, non, les gars, non, les filles, non! Qu'est-ce qu'il a le public ce soir ? On est confortablement installé ? Eh bien, on attend ? Eh bien, non ! Continue.